bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Hockey Ciné. Nous sommes en 2026, Aurore. Salut, comment vas-tu ? Salut, ça va, ça ? Bah écoute, très bien, donc meilleurs vœux à tout le monde, puisque voilà, on est encore en janvier, donc on peut encore le souhaiter. Oui, oui, exact. Et donc, comme les années précédentes, bien évidemment, qui dit nouvelle année, bien évidemment, cinématographique, parce que voilà, on va pas s'arrêter d'aller voir des films. Et justement, il y a un film qui a fait sensation et qui est sorti en fin d'année dernière, mais qui est toujours à l'affiche au vu de son carton, c'est La Femme de Ménage. Donc, c'est l'adaptation cinématographique du roman du même nom de l'écrivaine américaine Freda McFadden, publié en 2022 et en 2023 en France. Donc, ils n'ont pas traîné à le porter à l'écran. Ouais, j'ai été surprise. Alors, j'ai pas lu le livre, mais j'ai été surprise de voir effectivement que ça avait été aussi rapide. Ouais, bah ça a été un succès, hein, c'est vrai, hein, le film. Ouais. Le livre, pardon, le film livre, aussi, ouais. Mais le livre, voilà, ça a été tel un succès que, ils l'ont vite adapté au cinéma. Donc, pour la petite histoire, donc, c'est Millie Calloway, une jeune femme sortie de prison qui rejoint la famille Winchester pour y travailler, mais elle va se rendre compte que la mère de famille, Nina, a un comportement très spécial envers elle. L'homme de la maison, Andrew Winchester, pourrait bien être son sauveur. Donc, voilà, en résumé, l'histoire. Voilà, Aurore, toi, qu'en as-tu pensé ? Donc, tu n'as pas le livre et moi non plus, donc ça va être intéressant de pouvoir en discuter. Ouais, bah du coup, le synopsis, moi j'avais vu juste le trailer, si je ne me trompe pas. Oui. Du coup, d'entendre le synopsis, ça me fait vraiment, ça me fait rire de voir qu'effectivement, en fait, ils l'ont vraiment teasé de cette façon et que du coup, pour une fois, ce n'était pas prévisible par rapport au film. C'est vrai, oui, on ne s'attend pas forcément à ce qui se passe. Là, il le tisse d'une manière complètement décalée par rapport à la réalité. Oui. Du coup, je trouvais ça assez. J'ai trouvé ça vraiment bien. Au début, j'étais un peu surprise de. Pourquoi elle restait de tout ça. Vraiment, tout le début, j'étais en mode. Qu'est-ce que c'est ? Je ne savais pas à quoi m'attendre, effectivement, de ne pas avoir lu les livres. Je pense que, évidemment, quand tu as lu le livre, tu sais ce qui va se passer, etc. Donc, c'est beaucoup plus prévisible. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec des personnes qui avaient lu le livre. Et ces personnes-là m'ont dit que c'était plutôt bien adapté. Ils ont même rajouté apparemment des scènes par rapport au livre. Une scène, surtout, par rapport au livre, qui fait que... ça aide encore mieux à comprendre et ça fonctionne bien avec le film. La construction du film, j'ai trouvé vraiment intéressante parce qu'effectivement, tout le début correspond à ce que le synopsis, le trailer, les teasers fournissent et donnent comme information. Et au final, le contre-pied est très intéressant, très actuel, évidemment. Oui. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Et c'est en voyant qui était le réalisateur, donc c'est Paul Feig qui a fait Last Christmas. Exactement. Emilia Clarke. Oui. Du coup, ça ne me surprend pas tellement parce qu'effectivement, c'est aussi un film où il y a un retournement de situation. Oui, auquel on ne s'attend pas du tout. Non, pas du tout, non. Bon, celui-là, il est un peu mieux comme retournement que Last Christmas, mais. le film était très, très intéressant, donc porté par Sidney Sweeney et Amanda Seyfried. Oui. Donc, qui jouent extrêmement bien les deux. Surtout Amanda, j'ai trouvé que sa performance était vraiment glaçante. Sur tout le début du film, on a vraiment du mal à savoir ce qu'elle pense et tout ça. Et du coup, c'est. Et même Brandon Sklenar, qui joue du coup le mari. Oui. Pareil, la deuxième moitié du film, il est terrifiant. ce volte-face qui est effectué dans le film, moi, j'ai vraiment trouvé bien. Donc, toute la partie jeu d'acteur, etc. Après, point de vue visuel, bon, ça reste. C'est pas voué à être beau cinématographique. Non, bien sûr, c'est l'adaptation d'un livre. Voilà, l'idée, c'est que ça soit assez balisé, c'est que ça... C'est dans la banlieue américaine, assez simple, dans une maison, ça se passe principalement, pratiquement, beaucoup en huis clos, quoi. Oui, exactement. Hein, je te rejoins. Alors, globalement, dans tout ce que tu as dit, je suis d'accord. Enfin, moi, pareil, je n'ai pas lu le livre. Les personnes qui l'ont lu m'ont même dit, bah écoute, c'est même mieux de ne pas avoir lu le livre parce qu'en effet, le film est quasiment un copier-coller du livre. Alors, forcément, ouais. Il n'y a pas tout. Moi, voilà, c'est pareil. J'ai eu l'occasion d'en échanger avec une amie qui m'a dit, ah là, ils n'ont pas mis ça. C'est un peu dommage. On n'apprend pas ça, etc. Mais après, comme là, j'ai vu que le deuxième tome allait être adapté au cinéma. Le tournage, d'ailleurs, est cette année. Donc, je ne serais pas surpris que le second film paraisse l'année prochaine. Hein, ça va aller vite, je pense. Du coup, voilà. Là, ça amènera certainement d'autres éléments qu'il n'y avait pas dans le premier film. Mais c'est vrai que, voilà, moi, je... Alors, c'est toujours délicat quand, voilà, on va avoir une adaptation d'un livre parce que c'est tout bon, tout mauvais, quoi. Et puis surtout, on ne peut pas comparer parce que non. Le livre, on passe des heures à le lire. Et oui. Là, je ne sais pas combien de pages il fait, mais c'est pas, on ne peut pas comparer un livre à un film. Non. On peut l'adapter au mieux, mais question de temps. Enfin, un film qui dure 2 heures, c'est impossible. C'est sûr. C'est un résumé, en fait. Ah, bah, exactement. Donc, il manque des choses. Oui, mais c'est vrai que non, le film est vraiment bien fait. Je pense que voilà, il correspond à un large public. Tu l'as dit, on s'attend pas au retournement de situation. Il y a vraiment deux temps dans le film, et c'est ça qui est intéressant. Oui, et c'est vrai que du coup, d'avoir lu le livre, je pense d'aller voir le film, c'est juste par passion du livre, et je trouve pas que c'est d'intérêt à avoir les deux. Non, mieux vaut faire l'inverse d'ailleurs, peut-être voir le film et lire le livre pour justement peut-être avoir les petits détails qui nous manquaient. Bah, généralement, c'est ce qu'il faut faire. Oui. Moi, je sais que je préfère, quand c'est un film qui est adapté en livre, vaut mieux voir le film en premier et voir le livre après, si vraiment le film nous a plu, pour avoir plus d'infos. Mais effectivement, je trouve qu'il n'y a plus de surprise, et je pense qu'il n'y a plus aucune surprise, c'est même sûr qu'il n'y a aucune surprise quand on va voir le film en ayant déjà vu le livre. Ah bah ça c'est sûr, oui, et puis tu parlais justement du réalisateur, donc en effet, Paul Feig, c'est un habitué quand même des grosses productions américaines, il avait fait un remake d'SOS Fantôme, L'Ombre d'Emily également, avec Blake Lively, moi j'en garde un très bon souvenir de ce film-là, et il y a une suite qui est sortie que je n'ai pas vue, mais directement sur les plateformes, t'as parlé en effet de Last Christmas, et il avait fait notamment aussi des films plus comiques, parce que c'est quand même quelqu'un qui est plus axé sur les comédies, avec Spy, avec Melissa McCarthy et Jason Statham, et Les Flingueuses aussi, avec Melissa McCarthy et Sandra Bullock. Alors moi, j'avoue que je suis plutôt client de son cinéma, et là, c'est intéressant, parce que du coup... il sort un petit peu de cette comédie. Alors, il y a un léger humour noir quand même, dans le film. Oui, évidemment, oui, bien sûr. Mais oui, et puis c'est un sujet qui est quand même extrêmement délicat à parler, à aborder, etc. Et je trouve qu'il est bien amené, bien amorcé. Oui, parce que sans trop spoiler, c'est... On va pas dire la masculinité toxique, on peut dire Après il y a d'autres choses mais c'est un peu aussi ce qui fait la bascule. Mais je suis d'accord avec toi, ça aurait pu être casse-gueule, mais finalement c'est plutôt bien amené. Ouais. Au début j'ai eu énormément de mal sur l'image que les femmes avaient dans le film, etc. Oui. La vision, etc. Oui. Et très sexualisé, hyper sexualisé même. Surtout, Sidney Sweeney, dans tous ses films, elle l'est. Oui. C'est vraiment inutile tout le début du film. Je trouvais ça totalement inutile et beaucoup trop. Et en fait, au final, en voyant la fin du film, j'étais en mode, ah oui, en fait, c'est extrêmement utile. Oui. C'est au final, alors, c'est peut-être trop pour certaines choses. Bien sûr. Il y a notamment une scène, je ne pense pas qu'elle était essentiellement nécessaire, mais pourquoi pas. Après, ça reste un livre récent, une production récente. Puis faut amener aussi le divertissement, on va dire, parce que moi j'avais beaucoup entendu parler du film en disant ah ouais, c'est assez sulfuré, etc. Alors moi je sais pas, je m'attendais à du 50 nuances degrés revisité, et au final non, pas du tout. Enfin franchement, on a très peu de scènes sexuelles et ça va. Enfin franchement non, ça va, ça va. Au final, ça sert un petit peu. Oui, c'est vrai. Surtout la sexualisation du personnage sert énormément au film. Oui. Et du coup, c'est même assez, c'est assez surprenant et c'est bien, en fait, tout le début, voilà, et à la fin, en fait, on se rend compte de pourquoi, en fait, il y avait ce regard-là et cette image-là. Oui. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça bien d'utiliser ce truc-là qui est énormément critiqué pour justement en faire une critique derrière. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant dans le film. Oui, en effet, c'est vrai que Sydney Sweeney, bon, comme tu l'as dit, elle est souvent hypersexualisée et beaucoup de spectateurs disent, voilà, qu'elle a du succès du fait de sa plastique. Notamment, elle s'est fait connaître dans la série Euphoria. D'ailleurs, dont la nouvelle saison paraît là cette année, après de longues années d'attente. Je ne sais pas si tu l'as vu, toi, Euphoria. Non, Non. j'ai commencé, mais Ouais, j'ai alors pas c'est vrai que c'est encore assez poursuivi. particulier comme série, Mais mais ouais. oh là là, Bah, elle a eu un c'est. énorme succès, hein. Oui, ça te retourne le cerveau, ça part dans plein de choses, et pareil, ça raconte énormément de choses. Faut Ah oui, suivre, hein, mais c'est le virage c'est. à Oui. 90 de Zendaya, hein. Oui, bien C'est le sûr. virage à 180 Ah de oui. Zendaya. Exactement. Et c'est vrai que justement, Sydney Sweeney, en effet, bon, elle a fait des comédies plus classiques, Oui. Tout sauf toi, notamment, qui a eu un carton avec Glenn Powell, là, où pareil, voilà, elle était un peu la belle femme, etc. Mais là, je trouve que justement, et je te rejoins là-dessus, dans La femme de ménage, on arrive quand même à voir son jeu au-delà de sa plastique. Et faut pas non plus Oui. dire que, voilà, on la prend que pour sa Non, plastique et mais derrière il y a ses creux. Non, je suis pas d'accord. oui, et l'utilisation de cette plastique sert au film. Oui, C'est ça aussi exactement. c'est assez rare, et ça sert au film de façon à dénoncer des choses et de façon utile. Exactement. C'est pas juste pour faire plaisir. L'utilisation de cette plastique n'est pas juste là pour faire plaisir aux spectateurs. Oui. Oui, voilà, donc faut un peu voilà faire la part des choses. Après, en effet, voilà, je pense que, bon, c'est vrai qu'une fois que tu as vu le film, je sais pas si c'est un film qui se revoit, parce que finalement, sans le twist, je pense que Non. voilà, ça enlève quand même beaucoup au film. Et comme tu l'as dit, cinématographiquement parlant, ça reste un film assez standardisé, hein, globalement. Oui, ah, il y a des faux raccords dès le deuxième plan, On voit la technicienne là. Ah oui, après, bon, quand on filme sous la neige, forcément, au bout d'un moment, ça fond et c'est pas évident, mais au moins, voilà, on sait que c'est du décor réel, Bien donc c'est sûr. bien. Mais oui, voilà, j'avoue qu'au début, comme ayant vu le trailer qui quand même promouvoit quand même le film comme étant un thriller, un peu horreur, psychose, Oui, c'est vrai. tout le début, j'ai vraiment eu du mal à rentrer dans le film parce que j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'elle faut rester en fait? Il y a beaucoup, dès le début, rien ne va, et tous les indices, tous les signaux s'allument rouges possibles, et on se dit, mais enfin, à quel moment elle reste en fait? N'importe qui serait déjà parti depuis dès l'entrée du portail. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le film, et du fait de cette promo-là du film, et du fait que je n'étais pas trop attardée sur quelle était exactement l'histoire du film. Et au final, la construction du film fait que, effectivement, ça devient quand même assez intéressant. Mais au début, je sais que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans parce que ça tisse pas grand-chose. C'est un bon signe. C'est Oui. du bon signe, et au moins, ça permet de se rendre compte qu'on ne filme pas tout. Ah bien Et sûr. pour des grosses productions comme ça, américaines, ce qui est quand même assez rare. Oui. Et du coup, voilà. Bon, donc globalement, en effet, voilà, on reste sur un bon film qui surprend, qui, je pense, en effet, plaît à un large public. D'ailleurs, on le voit, hein, il a déjà fait plusieurs millions d'entrées en France et puis, bien évidemment, a rapporté un certain nombre de millions de dollars à l'international, d'où la suite qui est en cours. Donc, on espère en tout cas que le succès du premier permettra d'avoir un second film tout aussi surprenant et peut-être un peu moins balisé, peut-être que voilà, là, cette fois-ci le réalisateur prendra un petit peu plus de risques, parce que c'est vrai que c'est jamais facile hein, quand on adapte pour une première fois un Ouais. bouquin de prendre des risques, hein, Pour l'idée un c'est quand même de sequel, rentrer dans des c'est cases hein, compliqué. pour plaire à un large public. Ben, oui, et puis les sequels en général, Oui. Oui. Toujours compliqué, hein. Bien sûr. Donc, en tout cas, voilà. Avec Oran, nous ne pouvons que vous conseiller d'aller voir la femme de ménage de Paul Feig. Voilà, il est encore à l'affiche. Voilà, c'est un bon film, en tout cas, pour bien démarrer l'année. Donc après vous avoir parlé de notre coup de cœur cinématographique du moment, voilà, comme à notre habitude, on va aller sur des faits un peu plus étonnants, surprenants, et puis faire un tour de l'actualité cinématographique. Donc toi, Aurore, je crois que tu as un fait un fun fact, comme on dit dans le jargon, autour du film Gladiator. Oui, exact. Donc en 1999, lors du tournage de Gladiator, Olivier Reed, qui est l'acteur qui joue le vendeur d'esclaves, Proximo, donc l'acteur en fait décède malheureusement, et sauf que bah, c'est lors du tournage, donc il n'a pas pu finir l'ensemble de ses scènes, et Ridley Scott, donc le réalisateur, en fait refuse de le remplacer, ce qui est quand même bien pour la mémoire de l'acteur, je trouve. Et donc du coup, en fait, bah, forcément pour finir les scènes, il faut trouver un moyen. Quand le personnage apparaît, c'est vite compliqué de faire sans. Et donc, du coup, en fait, le studio décide de recréer son visage pour les 2 minutes qui restent, ce qui, en 1999, est quand même assez révolutionnaire. Voilà, Avatar n'est pas encore sorti. Et donc, du coup, ce qui est très impressionnant, c'est qu'en fait, c'est extrêmement bien fait pour l'époque. Ça ne se voit pratiquement pas, on s'en rend pas compte. Non, c'est vrai. Sauf que, bon, bah, forcément, évidemment, tout effet spéciaux a un coût. Et pour vous donner une idée, ça a coûté 3,2 millions d'euros à la production. Ah oui, pour deux minutes de pour deux minutes de scène. De scène, de remplacement juste du visage. Oh, ouais, on se rend pas compte en effet des prix des effets spéciaux. On se dit, oh bah c'est fait sur ordinateur, ça doit pas coûter cher, mais si, ça coûte extrêmement cher. Il y a un petit peu de travail. Oui, en effet. Très bien, bah écoute, voilà. Tu vois, alors j'en avais entendu parler, mais j'avais pas forcément le coût aussi important en tête. Voilà. Et donc, bah, pour poursuivre justement sur, entre guillemets, voilà, les super productions telles que Gladiator, alors s'est déroulée le 11 janvier dernier la première grande cérémonie de l'année, à savoir les Golden Globes, donc cette cérémonie a notamment récompensé le film Une bataille après l'autre avec 4 prix, dont meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario et meilleure actrice dans un second rôle pour Teyana Taylor. On a également du côté des drames le puissant Hamnet de Chloé Zhao qui a remporté le Golden Globe du meilleur film dramatique et Jessie Buckley qui a été notamment sacrée meilleure actrice dans un film dramatique. Et autre lauréat notable, Wagner Moura également qui a récolté le prix du meilleur acteur dans un film dramatique pour L'Agent Secret qui avait lui-même remporté le prix d'interprétation masculine l'année dernière au Festival de Cannes. Et Timothée Chalamet, qui a enfin remporté sa première statuette pour le film Marty Suprême, où il joue un pongiste, voilà, un joueur de ping-pong, dans la catégorie meilleur acteur, d'ailleurs, qui sort chez nous, là, dans les prochaines semaines. Et généralement, les Golden Globes donnent un peu le ton pour les Oscars. Donc, cette cérémonie aura lieu le 15 mars prochain. Alors, déjà, elle fait parler d'elle, puisque le film Sinners, réalisé par Ryan Coogler, avec notamment Michael B. Jordan, est le film le plus nommé de l'histoire des Oscars avec pas loin de 16 nominations, dépassant des classiques comme Titanic ou encore La La Land. Et il est nommé dans les grandes catégories, hein, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario et bien sûr dans plusieurs catégories techniques et d'interprétation. Alors je ne sais pas ce que ça donnera parce que ce n'est pas parce qu'un film est énormément nommé qu'il va pour le coup avoir beaucoup de prix. Voilà, toi je sais pas si tu l'as vu Sinners, Aurore. On avait fait un épisode dessus. Exactement, tu vois, on est en 2026, j'ai déjà oublié l'année 2025, moi. Tu fais bien de me le rappeler, mais oui, on avait fait un épisode dessus, donc oui, forcément, tu l'as vu, et on l'avait beaucoup aimé. Oui. Non, bah, personnellement, hein, c'est pour moi, c'est le meilleur film de l'année, c'est un des meilleurs films de l'année 2025. Oui, donc les nominations sont valables. C'est assez surprenant oui. Par rapport à La Land, etc. Bon, La Land, il y a peut-être un peu moins de... Oui. Je sais pas. D'effets spéciaux, je pense. Oui. Mais oui, c'est vrai que je pense que les nominations sont méritées. Hamnet sort cette semaine, je crois. Oui, il est sorti la semaine dernière, là, le 21 janvier, oui. Elle est sortie la semaine dernière. Oui, il y a quelques jours. Et donc, du coup, oui, il y a comme ça quelques films qui bah, nous, on les a toujours un petit peu en retard. Oui. Mais du coup, ouais, ça annonce quand même une bonne année 2026, je trouve. Oui, en effet. Hein, je te rejoins. Donc voilà ce qu'on pouvait dire rapidement, en balayant un petit peu, voilà, les faits étonnants, surprenants et l'actualité cinématographique du moment. Nous arrivons à la fin de cet épisode et comme à notre habitude avec Aurore, voilà, nous projetons un petit peu dans les prochains jours et semaines. Et il y a pas mal de films hein, qui sortent. Alors toi, Aurore, là, qu'est-ce qui te hype là, dans les prochaines semaines? Et bah, du coup, moi, le film qui me hype, il sort mercredi, donc le 28 janvier. Ah bah oui, ouais, c'est bientôt, oui. Ouais, c'est un drame historique. Oui. Et par rapport au procès du régime nazi à Nuremberg, ouais. Donc qui fait énormément de bruit. Bien sûr. Et donc, du coup, là, on retrouve Russell Crowe et Rami Malek. Oui. Dans un film qui va du coup suivre donc, le psychiatre américain Douglas Kelly, doit évaluer la santé mentale des dignitaires du Troisième Reich. Face au manipulateur Hermann Göring, il se retrouve pris dans un rapport de force, s'ouvre alors un duel avec le mal absolu. Et donc, voilà, on va suivre les procès en 1945. Oui, donc voilà, un film en effet de procès avec un très beau casting. Très très beau casting, oui. Bien lourd, qui va avec un sujet quand même très, très pointu. Bien sûr. Je pense que ça peut être extrêmement intéressant. Oui, je pense aussi. En tout cas, moi, ça me donne envie. Et le même jour, hein, le 28 janvier également, sort également au cinéma le film Gourou de Yann Gozlan. Alors, Yann Gozlan, c'est le réalisateur notamment du Chant du Loup et de Boîte Noire. Donc, pour la petite histoire, donc c'est Matt. C'est le coach en développement personnel le plus suivi de France. Dans une société en quête de sens où la réussite individuelle est devenue sacrée, il propose à ses adeptes une catharsis qui électrise les foules autant qu'elle inquiète les autorités. Sous le feu des critiques, Matt va s'engager dans une fuite en avant qui le mènera aux frontières de la folie et peut-être de la gloire. Alors, bon, déjà, voilà, réalisateur de Boîte Noire, Chant du Loup, moi, il m'en faut pas plus, personnellement. Voilà, d'accord. C'était deux très bons films et thrillers. Avec c'est Pierre très Ninet... Très beau, très intéressant. Oui, ah bah oui, super film. Pierre Ninet, qui avait déjà joué dans Boîte Noire, on sait très bien que c'est un acteur qui, généralement, investit très bien ses rôles, bah on l'a pu le voir hein, avec Le Comte de Monte Cristo hein, qui a cartonné. Dans Boîte Noire, Le Comte de Monte Cristo, c'est des drames où il joue extrêmement bien. Oui, enfin, oui. Donc ça, bon. Je trouve que ça fait vraiment partie des acteurs. Après, voilà, tout ce qui est François Civil, Adélie Lercopoulos, Gilles Lelouch, etc. C'est des acteurs qu'on avait plus l'habitude de voir dans la comédie. Et maintenant que les drames arrivent énormément en France, bah, avec Boîte Noire, Le Chant du Loup, Les Misérables, tous ces films-là, du coup, c'est des acteurs qu'on découvre plus dans les drames et je trouve qu'ils s'investissent énormément dans leur rôle et qu'ils sont extrêmement bien joués et très intéressants. Oui, je te rejoins. C'est vrai que parfois, c'est des acteurs justement qu'on découvre dans de la comédie. Et finalement, voilà, ce sont de très bons acteurs dramatiques. Et on a notamment aussi Anthony Bajon dans ce film-là. Et également Marion Barbeau, qui avait notamment tenu le rôle principal du film Encore. Ah oui. De Cédric Clapiche. Qui était la danseuse principale du film. Donc voilà, ça annonce en tout cas un beau mercredi à venir là entre Nuremberg et Gourou. Il est déjà l'heure de nous quitter. Oui, ça passe vite. Hein. Quand on parle de cinéma, on pourrait continuer encore longtemps. En tout cas, on sera ravis avec Aurore de continuer à vous parler de cinéma en cette nouvelle année 2026. N'oubliez pas d'aller voir La Femme de Ménage et bien évidemment de toujours aller voir des films au cinéma parce que rien de mieux que la salle de cinéma pour vivre une expérience incomparable et au moins on n'est pas dérangé avec son portable, etc. Là, au moins, on est concentré sur le film. C'est quand même mieux. Et n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour voilà, toujours discuter avec nous, débattre avec nous. On essaye de une fois par semaine, une à deux fois par mois, on essaye de faire une critique. Donc, voilà, oui, en effet, c'est vrai qu'on ne peut pas parler de tous les films, hein, comme tu le dis, l'Aurore. Et notamment, bah, voilà, ce sont des films peut-être moins tête d'affiche, un peu plus indépendant à réessai, et c'est tout aussi intéressant d'aller voir ces films parce qu'on découvre de belles pépites en tout cas. Donc c'est bien évidemment OK Ciné. Merci Aurore, je te dis à très vite, et en tout cas merci encore pour votre écoute, et on vous dit à très bientôt. À bientôt.